Vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. Attention s'il vous plaît, veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Il est midi ce samedi 20 octobre. Et nous sommes ravis de nous retrouver pour le démarrage de la 7e saison d'Angle d'Attaque. Et oui, déjà 7 saisons. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Angle d'Attaque est une émission proposée par Attaque Métropole. Pour faire fonctionner cette émission, une équipe. Florent en est le réalisateur et le maître du temps. René, Ludovic, Louis et Christian prépare les thèmes, contacte les personnes jugées pertinentes par l'équipe, les invite et les questionne dans le studio de Radio Campus que vous captez sur 106,6 MHz et de plus en plus souvent sur campuslille.com. J'ajoute que Florent est chargé de la pause musicale et René des actus d'attaque. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, d'action citoyenne, comme dans la chronique de notre association. Et d'action citoyenne à Lille en particulier, on va voir pourquoi tout à l'heure. L'action citoyenne, c'est celle qui réunit du monde pour le climat le 8 septembre dernier et le 13 octobre. C'est celle qui serait dans le tout nouveau Ensemble pour le climat, une nouvelle association qui, selon les initiateurs eux-mêmes, on ne savait pas trop comment faire pour l'instant, mais on va s'y coller. Et on se promet manifestement des journées de manifestations, de contestations, mais aussi de réflexions sur le climat. Et justement, sur le climat, à angle d'attaque, une fois n'est pas coutume pour nous qui sommes habitués à parler de banques, de chiffres, de produits intérieurs bruts, etc., nous sommes allés chercher l'info à la source, c'est-à-dire au GIEC, pour bien comprendre le réchauffement climatique et surtout le pourquoi du comment de ces 1,5 degrés dont toute la presse a parlé. Entre parenthèses, toute la presse a parlé, mais les 55 milliards de fraude au fisc des différentes banques, traders et autres courtiers européen, c'était plutôt discret. On y reviendra peut-être. Et puis, nous nous focaliserons sur une autre action citoyenne, métropolitaine celle-là, et plus précisément lilloise aussi, puisqu'il s'agit de la friche Saint-Sauveur, sauvée pour le moment par un récent et tonitruant jugement en référé du tribunal administratif de Lille, qui a suspendu le délibéré de Lamel du 15 juin, qui était décideur pour la mise en route des travaux. Voilà. Victoire de la ténacité des gens contre la bétonosobrie, comme l'appelle Jean Gadret, et le bétonneur castelin, l'homme aux pierres bleues et aux beaux castards. Mais on va parler du GIEC d'abord, et ce sera une grande partie de l'émission. C'est Ludovic qui s'y colle pour présenter un peu quel est cet organisme. À toi. Oui, alors quelques mots d'introduction, effectivement, pour ce débat. Donc le GIEC a été créé en novembre 1988 à la demande du G7 par deux organismes qui relèvent de l'ONU, l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE. Alors le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc son appellation anglaise est IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Et le rôle du GIEC, je cite la définition du GIEC, c'est d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le changement climatique provoqué par l'homme. Donc, comme toutes les institutions onusiennes, le GIEC n'est pas une association de personnes physiques, mais une association de pays. Ses membres sont des nations, non des personnes physiques. Et aucun individu ne peut être membre du GIEC en direct. Les personnes qui siègent aux assemblées du GIEC ne font que représenter des pays membres. Donc, en pratique, à peu près tous les pays membres des Nations Unies sont membres du GIEC. Deux exceptions, c'est le Vatican et Taïwan, qui n'en font pas partie. La plupart des pays du monde sont adhérents du GIEC. Les pays de l'ONU, en fait. Pardon ? C'est les pays de l'ONU. C'est les pays de l'ONU, tout à fait. Voilà. Il ne s'agit donc pas d'un laboratoire de recherche, mais d'un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Donc, en gros, le GIEC effectue une revue de presse, une synthèse, en fait, des travaux. Il examine et synthétise ce qui est publié dans la littérature scientifique sur la question de l'influence de l'homme sur le climat. Et par voie de conséquence sur le fonctionnement du climat avec ou sans homme. C'est un point important car tout chercheur travaillant dans un des domaines concernés verra ses travaux pris en compte dans le cadre des procédures d'expertise organisées par le GIEC dès lors que cela a donné lieu à une publication dans une revue scientifique. L'organe suprême du GIEC est son assemblée générale où chaque pays membre dispose d'une voix. C'est l'Assemblée Générale qui définit le programme de travail que le GIEC devra suivre, c'est-à-dire les domaines où il devra faire la synthèse des travaux publiés ou en cours, et c'est elle qui approuve les publications les plus importantes, appelées rapports d'évaluation, et dont les rapports d'évaluation dont le dernier a été publié le 8 octobre 2018. Donc l'organe exécutif du GIEC est le bureau, élu par l'Assemblée Générale. Le GIEC dispose de son propre budget. Voilà ce qu'on peut dire. Donc le GIEC fournit également des rapports plus succincts sur des points particuliers. Et sinon, effectivement, le rapport du GIEC commence toujours par un vote à l'Assemblée Générale sur une proposition du bureau. Cette proposition du bureau consiste en un sommaire prévisionnel. Toutes les têtes de chapitre sont déjà prévues, des futurs rapports à remettre. Une fois ce programme approuvé, le bureau du GIEC sollicite comme auteur, auprès des pays du monde, des experts des domaines couverts, à raison de plusieurs dizaines d'auteurs par tête de chapitre. Chaque rapport nécessite donc la contribution de plusieurs centaines de rédacteurs, sans compter ceux plus nombreux encore qui feront part d'un avis sur les projets. L'architecture d'un rapport d'évaluation est la suivante. Chaque chapitre d'un rapport traite d'un domaine particulier, par exemple les propriétés physiques des gaz à effet de serre ou encore la qualité des représentations des phénomènes physiques dans les modèles. Et les auteurs du chapitre en question sont chargés de faire la synthèse des connaissances scientifiques disponibles sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Donc le GIEC mobilise plusieurs milliers d'experts qui sont impliqués dans les processus de rédaction et d'expertise organisés donc, par le GIEC pour la rédaction de ces rapports. Et les disciplines couvertes concernent à la fois les sciences dures, physique, chimie et biologie, climatologie, etc. Mais aussi, on retrouve aussi des sciences sociales, parce qu'il y a des économistes, des sociologues, des anthropologues, et des historiens aussi qui sont mobilisés pour, pour rédiger ces rapports. Donc à ce jour, toutes les publications officielles du GIEC ont été approuvées à l'unanimité par les pays représentants dans l'Assemblée du GIEC, y compris les USA et l'Arabie Saoudite, qui sont deux pays qui souvent peuvent effectivement être amenés à contester certaines publications. Ça a été le cas de l'Arabie Saoudite qui a contesté le dernier rapport, qui finalement s'est rallié à ce rapport. Et son premier rapport d'importance a eu lieu en 1990, qui donnait déjà des conclusions fortes concernant le changement climatique futur et le rôle de l'homme en fait dans ce réchauffement climatique. Donc voilà un peu ce que peut dire un peu succinctement sur cet organisme. Ben succinctement, je trouve que c'est assez complet et c'est pas mal du tout d'avoir présenté cet organisme dont je rappelle qu'effectivement il ne travaille pas, il fait pas de recherche scientifique, il utilise les travaux comme tu le dis, Ludovic. Alors outre précision, le prix Nobel de la paix, je sais pas si vous vous souvenez, en 2007 a été accordé au GIEC. Oui, en effet. Voilà. En effet. Est-ce qu'on pourrait connaître la fréquence des rapports J'y viens tout de suite. D'accord. Voilà. Je crois que c'est tous les 4 ans, mais peut-être que... Alors, c'est un peu plus que ça. Petite correction de ce que tu as dit, ce n'est pas un rapport d'évaluation que nous avons eu le 8 octobre. Oui, c'est une synthèse. C'est un rapport spécial. C'est un rapport spécial. Donc, il y a toute une organisation du GIEC et dont je vais présenter. Et le dernier rapport d'évaluation, c'est celui de 2014. Mmh. Et le prochain rapport d'évaluation, c'est 2023. Entre-temps, il y a des rapports spéciaux, et c'est le rapport spécial dont il est question aujourd'hui, le rapport donc qui a fait effectivement la presse, les gros titres de la presse sur le 8 octobre de ce mois-ci. Bon. Rappel simplement, je pense utile de rappeler le rapport d'évaluation de 2014, donc le dernier rapport qui est le cinquième. Alors c'est donc des idées fortes qui sont quand même importantes. C'est les trois conclusions principales, hein, j'ai pas les plus connues, hein, je vais pas insister sur les choses plus de détails, je veux dire. La première et la plus importante des conclusions, c'est que l'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie. Quelque chose d'assez fort comme intervention. Ensuite, plus nous perturbons le climat, plus nous courons le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles. Donc là aussi, c'est une mise en garde quand même très très importante. Et un troisième point, et on verra que chaque point correspond à peu près à un groupe spécifique, un groupe de travail. Le troisième point, c'est nous avons les moyens de limiter les changements climatiques et de bâtir un avenir plus prospère. Voilà. C'est assez explicite. Ça, c'était avant, 3 ans avant la COP21 dont on va parler tout à l'heure avec René. Donc voilà, il y a ces rapports spéciaux. Encore une fois, le 8 octobre, c'était un rapport spécial. Des rapports de synthèse, un rapport d'évaluation qui sera présenté en 2023. Donc, ce n'est pas pour tout de suite. Alors, ce rapport spécial du 8 octobre, que dit-il ? Bon, je pense que le titre est assez explicite en soi, même un peu compliqué, mais je le lis. Le rapport porte sur les conséquences d'un réchauffement climatique planétaire de 1,5°C, évidemment, par rapport au niveau pré-industriel. C'est toujours la référence, c'est le niveau pré-industriel, ce qui montre bien qu'on est dans l'anthropocène, hein, le changement climatique est dû à l'activité de l'homme, et les profils connexes des émissions mondiales du gaz à effet de serre, dans un contexte de renforcement de la parade mondiale. Alors, le mot parade mondiale, il faut le comprendre comme action de parer, hein, d'esquiver. La parade mondiale au changement climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté. Voilà. Ce rapport n'est pas sorti n'importe quand, il est préalable à la COP 24 qui a lieu à Katowice en décembre de cette année. Et ce qui serait pas mal, c'est que René nous dise un mot de la COP 21 et surtout des insuccès, on va dire, de la COP 21. Oui, et eh bien justement, je vais vous relire un peu la petite synthèse que j'avais fait il y a à peu près 2 ans sur le thème. Alors la COP 21, donc en 2015, les accords de Paris. Alors on peut dire que ce n'était pas l'échec de Copenhague. L'accord adopté a été adopté donc par les États qui reconnaissaient la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique. On peut dire qu'il y a eu, comment dire, une reconnaissance politique, diplomatique des 195 États, je crois. On mentionne même le seuil limite de 1,5 degré à ne pas dépasser. Et il y a un agenda. Alors ça a été assez difficile à s'élaborer, mais normalement pour les États, tous les 5 ans, il y a obligation de renforcer les contributions nationales qu'on appelle INDC, ou en anglais donc Intended Nationally Determined Contribution. Alors ça c'est peut-être le hic qui fait que c'est un accord un peu au rabais ou en trompe-l'œil, c'est que ces contributions des États ne sont pas ou peu contraignante, elle remplace ce qu'on appelait les engagements avant, qui étaient eux plus contraignants. Et donc on peut parler là d'accord à la carte, où chaque État décide de ce qu'il veut, et ce qui nous conduit en fait vers un réchauffement supérieur à 3 degrés à la fin du siècle. Voilà. Ensuite, on a noté aussi des imprécisions concernant les étapes pour parvenir à un réchauffement inférieur à 2 degrés. Il n'y a pas de date pour le pic des émissions. Seul est indiqué un objectif de long terme de zéro émission nette pour après 2050. Ça nous mène loin. Ce qui laisse en même temps la porte largement ouverte aux mécanismes de compensation comme la géo ou la bio-ingénierie. Aucune mention sur l'abandon progressif des énergies fossiles. Et ensuite, plus grave peut-être, cet accord est une atteinte à la justice climatique, suppression des références aux droits humains et des populations, affaiblissement du mécanisme pertes et dommages, les responsabilités juridiques sont retirées de l'accord. La convention cadre prévoyait aussi que les États historiquement les plus émetteurs financent les États qui en ont le plus besoin. Là, il y a eu un dédouanement de ces États, notamment de la part des États-Unis. Et enfin, le fonds vert, on avait prévu un plancher de 100 milliards de dollars par an, n'était pas atteint. Il ne l'est toujours pas, de toute façon. Ah oui, d'accord. Et bien sûr, pas de financement additionnel pour les pays les plus pauvres. Alors on devine bien sûr que les sociétés transnationales sont à la manœuvre, rien de défini pour les transferts de technologies et le lever des barrières des droits de propriété intellectuelle, on les brevets. Refus enfin de s'attaquer à la source du problème, c'est-à-dire la globalisation économique et financière, maintien de la référence à la croissance, et on l'a vu aussi, poursuite des accords de libre-échange. Alors, une petite conclusion. On savait que cet accord ne serait pas décisif. C'est un jeu diplomatique qui permet au mieux de débloquer certaines portes. Les décideurs ne provoqueront pas le changement. Ils suivront les changements provoqués par la société. À nous tous de prendre ce destin en main. C'est une lourde tâche, certes, mais c'est une voie magnifique pour s'émanciper. Eh ben bravo. Voilà quelque chose qui, effectivement, je pense qu'il est important de dire que c'est plutôt à nous de parler de changement climatique, puisque manifestement, les leaders, les porteurs, les gouvernements sont sourds, et les transnationales, on leur a jamais demandé d'avoir un esprit aussi ouvert d'ailleurs. Alors, je reviens sur ce rapport spécial du 8 octobre, parce que si on en parle, c'est qu'on l'a trouvé important, hein, faut quand même le dire. Alors, je reviens pas sur le titre, il est assez explicite, où il est question de parer au changement climatique, de limiter les gaz à effet de serre, développer le développement durable, si j'ose dire, et de la lutte contre la pauvreté. Alors, où on en est avec ce 8e rapport spécial, qui, encore une fois, va être présenté au plénipotentiaire à Katowice au mois de décembre. Eh bien, je vais le présenter en 3 temps, en fait. Dans un premier temps, le rapport spécial précise que les conséquences d'un réchauffement de 1 degré sont bien réelles, observables, elles sont connues. Et c'est des choses visibles actuellement sur la planète, montée extrême des phénomènes météorologiques, la température, ben, on est en train de voir à peu près ce que ça peut donner de notre côté, les pluies, les tornades, je parle bien entendu des choses qui se passent aux États-Unis, sans parler des incendies qui sont les conséquences de la sécheresse, bien sûr en Californie par exemple. L'élévation du niveau de la mer, là aussi c'est quand même observable, et puis la diminution de la banquise arctique des glaciers. Donc ça c'est bien un constat, ça signifie qu'on ne vous a pas raconté d'histoire en 2014, la planète se réchauffe et ça va même plus vite qu'on le pensait. Donc voilà à peu près la situation décrite par le GIEC. Et dans un deuxième temps, le rapport détaille les conséquences d'un changement climatique. Détaille les conséquences des changements climatiques qui pourraient être évités si on réussissait à maintenir à 1,5 degré au lieu des 2 degrés annoncés. René en a parlé du 1,5 degré, mais on avait surtout en tête les 2 degrés au départ. Et je trouve que ça, c'est nouveau. Il me semble, puisque c'est différent de dire « voilà ce qui se passera si le réchauffement climatique est de 2 degrés », je dirais un poil optimiste, et si on pouvait tenir à 1,5 degré, il se passerait ci et ça, et ceci et ça, c'est d'ici 2100. Ci et ça, c'est 10 cm de moins de montée du niveau de la mer, que si c'était 2 degrés Celsius, hein, on est toujours d'accord sur cette référence de 1,5 degré. La probabilité, je cite, que l'Arctique serait libre de glace en été, une fois par siècle, au lieu de tous les 10 ans. Donc, les ours blancs, il ne reste plus que celui de François Pompon. Est-ce que vous connaissez François Pompon ? Ben, c'est un... c'est un sculpteur d'ours blancs. Ah oui ! René ? La référence aux 2 degrés, ça date de l'accord de Copenhague en 2009, voilà. Qui a d'ailleurs été un fiasco. Oui, d'accord. On ne voudrait pas jouer les rabat-joie, mais la trajectoire est quand même très mal engagée pour limiter la hausse à 1,5. Oui. Parce que même si les États respectaient leur engagement pris à la COP21, donc à Paris, ce qui n'est pour l'instant pas le cas pour la majorité des pays, la planète se réchaufferait de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Oui. C'est ce qu'on peut lire chez la plume de Stéphane Foucard, je ne sais pas si vous connaissez, journaliste au Monde, proche de Marie-Monique Robin, qui a écrit différents ouvrages, notamment sur les lobbies... Oui. Bon, alors, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui quand même se doutent sur le fait qu'on va respecter les 1,5 degrés. On est malheureusement plus proche des 2 voire des 3 degrés à la fin du siècle, avec les dégâts de la bonne volonté des gouvernants, comme on vient de le dire. Mais quand même, dans un troisième temps, donc le premier temps c'est le constat. Le deuxième temps, c'est que si on était à 1,5 degré, on pourrait faire ci et ça. Et il y aurait déjà moins de dégâts que si c'était 1,5 degré. Et dans un troisième temps, il y a les commentaires des présidents des groupes de travail. Alors c'est important de présenter les groupes de travail. Il y a 3 groupes de travail qui préparent en principe tous les rapports. Et le premier groupe de travail, c'est... la vérification, qui est chargée de la vérification des bases scientifiques et physiques du réchauffement climatique et des travaux qui attenant. Ensuite, le deuxième groupe, c'est l'atténuation des changements climatiques. Et enfin, ce sont les conséquences, l'adaptation et la vulnérabilité pour la Terre des changements climatiques. Alors, pour le groupe 1, c'est Valérie Masson-Delmotte qui est une des rédactrices, qui est coprésidente et une des rédactrices du rapport spécial. Elle représente évidemment la France au GIEC. C'est quelqu'un qui est paléoclimatologue. Je n'avais pas pensé à faire des études comme ça. Elle se veut optimiste, elle, et elle considère que certaines mesures sont déjà mises en œuvre dans le monde, sans préciser lesquelles. Déjà mises en œuvre en France, je pense qu'elle aurait du mal à le dire. Mais en même temps, elle dit quelque chose, mais pas... En off, comme on dit, en dehors du GIEC, elle a été interviewée il y a 2 semaines dans Politis, et elle observait que ce sont les actions individuelles et collectives qui pousseront les gouvernements à agir contre le réchauffement. On espère que la suite le prouve. René. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que les États ne font absolument rien, mais comme il a été décidé dans l'accord de 2015, ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Donc on arrive à... Il y a quand même des réalisations, mais insuffisantes. C'est ça le fond du problème. Ouais, je suis trop optimiste, merci René de corriger. Le groupe 2, c'est le groupe de l'atténuation des changements climatiques. Le groupe 2, sa conclusion, c'est de dire que la limitation du réchauffement donnerait la possibilité aux populations et aux écosystèmes de s'adapter et de rester en dessous des seuils pertinents. On notera que le bonhomme, c'est un bonhomme, là, c'est pas comme Valérie Masson-Delmotte, c'est un bonhomme dont j'ai laissé le nom de côté. Il parle de population. Il ne parle pas d'État ni de gouvernement. Le groupe 3, groupe donc chargé des conséquences de l'adaptabilité et de la vulnérabilité, le groupe 3 parle de la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré. C'est possible, mais il faudrait des changements sans précédent et des transitions rapides et de grande envergure dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, des transports, de l'urbanisme. Et je ne comprends pas pourquoi il ne parle pas d'agriculture. Mais ce que je veux dire, que si on reprend chaque thème de la liste, on constate que des solutions existent, qu'elles ont déjà été avancées et défendues par ATTAC, et... ce qui nécessite, je le dis en passant, ces solutions que nous proposons nécessitent à chaque fois des emplois, la création d'emplois et des emplois qualifiés. Je reprends. L'aménagement du territoire, il serait temps de mettre fin aux grands projets inutiles et imposés, nuisibles même, comme le train Lyon-Turin, comme le canal Seine-Nord, pour parler de notre région. Dans le domaine de l'énergie, il s'agirait d'arrêter les extractions minières, de ralentir la production nucléaire et de passer aux énergies renouvelables. Dans l'industrie, on pourrait parler d'économie circulaire, de recyclage, d'interdiction de l'obsolescence programmée, de supprimer les pollutions industrielles d'ailleurs. Dans le bâtiment, il s'agirait de développer les fameux bâtiments haute qualité environnementale, etc. Il y a tout un... L'énergie positive. Les énergies positives. Enfin, il y a vraiment là, en l'occurrence, du travail à trouver. Dans les transports, eh bien, on défend la gratuité des transports publics urbains. Et pour ATTAC à Roubaix en particulier, la préférence du train pour l'avion pour les distances moyennes. Oui, savez-vous que si on supprimait les vols de moins de 800 km, on diviserait par 2 le nombre de vols dans le monde. C'est quand même considérable. Ça veut dire qu'on prend l'avion pour aller de Francfort à Berlin. Alors évidemment, ça suppose qu'on revoit le trick des trains. Dans ce qui concerne l'urbanisme, on va encore parler de nous, hein, stop au bétonnage des villes. On va parler tout à l'heure de l'Africain Sauveur. Oui à l'agroécologie ou à l'agro-urbanisme. Voilà. En ligne de mire et en gros avec ce rapport spécial, il s'agit de mettre un terme au productivisme et cette course inouïe à la croissance qui prouve depuis 30 ans pas seulement son incapacité à résoudre les problèmes d'emploi, mais qui ne fait que les aggraver. Et René va nous dire un mot de ce qu'a dit ATTAC sur ce rapport du 8 octobre, sachant que Maxime Combes, lui, il a lu tout le rapport et il se fait référence à des courbes tout à fait intéressantes que je peux montrer au micro, mais ça ne va pas vous servir énormément. Eh bien, je peux citer Maxime Combes, d'ailleurs, porte-parole d'ATTAC France sur les questions climatiques. La différence entre 1,5 degré et 3 degrés de réchauffement, auxquels nous conduisent les engagements des États pris dans le cadre de l'accord de Paris, est un crime climatique. Le rapport du GIEC montre qu'un pic d'émissions doit être atteint en 2020, et non en 2030, comme prévu à Paris. et que ces émissions doivent être divisées par deux d'ici à 2030. Une telle trajectoire n'est pas compatible avec la poursuite de politiques libérales, productivistes et croissantistes qui alimentent le réchauffement climatique. Oui, ce ne sont pas les objectifs de 1,5 ou 2 degrés qui sont illusoires, mais un réchauffement supérieur à 3 ou 4 degrés qu'il faut absolument éviter, précise Geneviève Hazan, ex-porte-parole d'Attac d'ailleurs, et présente d'ailleurs à Alternativa, tout en rappelant que les promesses technoscientifiques telles que la géo-ingénierie, on va d'ailleurs y venir, et la capture et stockage de carbone sont dangereuses et illusoires. Ces techniques d'intervention à grande échelle sur les océans, les sols et l'atmosphère doivent être bannies et toutes les expérimentations immédiatement abandonnées au profit de solutions déjà éprouvées et moins risquées, respectueuses de l'environnement et justes socialement. Voilà. Ouais. Et puis, Raphaël Prado, non ? Ah, Raphaël Prado, pour lui, il est encore temps de désarmer les marchés financiers, les multinationales et les accords de commerce et d'investissement pour retrouver des marges de manœuvre afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. On se souvient quand même qu'avec Attac, on s'est quand même battu et on continue de se battre contre le CETA. Contre ces fameux accords de libre-échange, TAFTA, CETA, JEFTA, qui sont particulièrement climaticides, comme on l'a déjà souligné. En effet, René, je laisse le dernier mot au GIEC. Ce dernier commentaire du GIEC, c'est les décisions que nous prenons, et ça c'est nouveau parce que généralement c'est des recommandations, les décisions que nous prenons aujourd'hui sont indispensables si l'on souhaite assurer à chacun d'entre nous un monde sûr et durable aujourd'hui comme demain. Voilà ce qu'on pouvait dire, René, sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on parle de l'activité locale maintenant ? Alors, si. La géo-ingénierie. Voilà, ouais. J'y pensais. Alors, en effet, René est spécialiste de la géo-ingénierie, je ne pouvais pas l'oublier. Oui, enfin, pas vrai. Eh bien, justement, puisque je viens de parler de Geneviève Hazan, il y a un appel qui a été lancé par, je crois, environ une centaine d'organisations, dont Attac, qui s'appelle « Bas les pattes, ne touchez pas à notre terre-mère ». Alors, nous, organisations de la société civile, mouvements populaires, peuples autochtones, organisations paysannes, chercheurs et chercheuses, intellectuels, écrivains, travailleurs, travailleuses, artistes et autres citoyens et citoyennes, concernés du monde entier, nous nous opposons à la géo-ingénierie. D'abord, qu'est-ce que la géo-ingénierie ? Le terme fait référence à toute une série de technologies qui ont été proposées pour manipuler et altérer délibérément les systèmes terrestres à grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle planétaire. Ce type d'intervention peut globalement prendre deux directions. Il existe tout d'abord une série de technologies visant à réduire la quantité de rayons solaires qui atteignent l'atmosphère terrestre, dans le but de refroidir artificiellement le climat. Ces méthodes dites de gestion du rayonnement solaire consisteraient à épandre des aérosols dans la stratosphère, pour imiter les effets d'une éruption volcanique, par exemple, ou encore éclaircir les nuages ou la surface des océans afin de les rendre plus réfléchissants. La deuxième catégorie d'intervention des systèmes terrestres consiste en l'absorption et la séquestration du dioxyde de carbone, du CO2, quoi. Ou encore en l'élimination des gaz à effet de serre. Donc ces méthodes prétendent absorber à grande échelle le CO2 présent dans l'atmosphère et le stocker dans de vastes monocultures d'arbres ou de l'enfouir sous terre ou dans les océans. Globalement, les techniques de géo-ingénierie peuvent comprendre des interventions terrestres, marines ou encore atmosphériques qui impliquent des risques et des effets néfastes pour les communautés humaines, les écosystèmes et les processus naturels, ainsi que pour la paix et la sécurité internationale. C'est donc voilà pourquoi nous y opposons. C'est une proposition dangereuse, absolument inutile et injuste pour lutter contre le changement climatique. D'ailleurs, en plus, la géo-ingénierie perpétue les fausses croyances selon lesquelles le modèle industriel actuel de production et de consommation, injuste et dévastateur, tant écologiquement que socialement, ne peut être transformé et que nous avons par conséquent besoin de solutions technologiques pour maîtriser ces effets. Les écosystèmes sains, la diversité culturelle et biologique sont essentiels au bien-être de tous les peuples, de toutes les sociétés, de toutes les économies. En réalité, les changements et transformations dont nous avons vraiment besoin pour affronter la crise climatique sont surtout d'ordre économique, politique et social. Voilà. Ok. La solution, c'est de s'y en fait. En partie, oui, c'est une des solutions. Alors, oui. L'appel... Pas le salut ne viendra pas de la technologie. Ah non. C'est un peu cette idée-là, non, priori, sachant ça... que... Sauf peut-être les technologies... Enfin, les déjà éprouvées, mais... Mmh. Peut-être quand même prudent. Sachant que le GIEC est extrêmement prudent là-dessus, il ne s'engage pas du tout, il n'y a rien de prouvé, effectivement, de ces... Jouzel laissait entendre qu'effectivement c'était une fausse solution, que ça, c'était plutôt des apprentis sorciers qui tout à fait, mettaient ça tout en à avant, fait. Et on connaissait assez peu les effets, notamment secondaires, de ces techniques qui peuvent effectivement peut-être être plus nocives. Oui, on est dans un système où, pour résoudre un problème, on va en créer un autre. Mais t'as parlé aussi de plantation d'arbres. Dans quel cas tu les mets, du coup, dans la géo-ingénierie? Tout dépend de l'envergure de des plantations. On peut certes reboiser, c'est vrai, on le fait depuis longtemps. Mais là, pour stocker du carbone, il faudrait des plantations vastes. Et puis, peut-être qu'avant de replanter, il faudrait peut-être voir à déboiser beaucoup moins, notamment les forêts tropicales. Tiens, ce serait peut-être à commencer une meilleure par solution. À commencer par l'Amazonie, notamment. L'Afrique centrale. Qui ne cesse d'être détruite. Ou d'éviter de les détruire et de les remplacer par des plantations de palmiers à huile. Alors sur l'Amazonie, je pense que la prochaine élection présidentielle, le deuxième tour de l'élection présidentielle au Brésil va être assez déterminante, parce que vous savez que le candidat qui a priori est bien parti pour gagner, veut clairement abattre des arbres en Amazonie, monsieur Bolsonaro. De toute façon, c'est d'une politique néolibérale. Certains parlent même de carbo-fascisme. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est enfin, je pense que... Bref. Oui, alors effectivement, donc, je reprends là sous les yeux le rapport du GIEC et je vois effectivement l'efficacité de ces techniques dont parlait René reste à prouver à une grande échelle, certaines étant même susceptibles de représenter un risque considérable pour le développement durable, est-il précisé dans le rapport. Donc effectivement, c'est tout à fait clair. On va passer au local, René. Oui. On va passer au local et... En peu de temps, tu vas nous dire ce qui s'est passé pour les questions du climat à Lille. Eh bien, voilà. Suite donc au succès de la manifestation dans nos rues pour le climat du 8 septembre, qui avait rassemblé environ 5000 personnes. Donc les associations de la Meresse ont décidé de créer un collectif un peu dans le style de la coalition climat régionale de 2015. Voilà, donc quatre objectifs ont été définis au cours de réunions préparatoires. Changer les politiques publiques, maintenir et amplifier la mobilisation de la population, susciter et participer à la dynamique nationale et relayer les initiatives locales. Le lancement officiel a eu lieu le samedi 29 septembre à la Halle au Sucre à Lille. Avec beaucoup de monde. Où plus de 300 personnes étaient présentes pour fixer la feuille de route du collectif. Donc oui, nous avons travaillé par groupe de 20 personnes pour échanger et voilà. Et un calendrier des événements a été élaboré. Donc déjà le vendredi 5 octobre, c'était la campagne « Nous voulons des coquelicots », un événement donc contre les pesticides. Le 18 octobre, le 13 octobre, c'était la deuxième manifestation qui a réuni au moins autant de personnes, environ 5000. Voilà. Et enfin, le 19 octobre, c'est-à-dire hier, il y avait un rassemblement devant le siège de la MEL à l'occasion du Conseil communautaire. Eh bien, ce rassemblement, nous étions plusieurs dizaines de militants, avec pancartes et banderoles, devant la Melle, donc à l'occasion du Conseil communautaire. Christopher Liénard et Michel Cucci, qui est le représentant de Finance Climat, qui fait aussi partie du collectif, ont été reçus par Damien Castelin, président de la Melle, et Christiane Bouchard, vice-présidente déléguée au développement durable. Le rapport du GIEC leur a été remis. Et ils ont donné l'assurance d'une prise en compte de l'urgence climatique, notamment dans la révision du plan climat de la Melle. Ouais. Et bien, comme le souligne Xavier Galland, directeur de la MES, si les élus à tous les niveaux voient plus régulièrement des citoyens qui viennent avec des arguments d'intérêts généraux plutôt que des lobbyistes qui viennent pour des intérêts particuliers, cela changera peut-être leur comportement et leurs décisions. Nous l'espérons. Oui, les intérêts particuliers des lobbyistes, c'est les intérêts des actionnaires, quoi. C'est pas, hein, c'est pas, voilà. Bon, merci René. Et donc, est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire ? Eh bien, on peut parler un peu de l'association Parc. Alors, par protection, aménagement, réappropriation collective du site Saint-Sauveur, qui remplace l'ancien collectif Faites la Friche. Ouais. Voilà. Donc, on sait que Faites la Friche avait déjà mené diverses opérations depuis 2016. En mars-avril 2018, a eu lieu une enquête publique à laquelle ce collectif et plusieurs assos ont apporté leur contribution. En mai 2018, le commissaire enquêteur rend un avis favorable avec cependant trois réserves majeures sur des risques pour la nappe phréatique, la pollution de l'air et un avis de l'ARS. L'Agence régionale de santé. Voilà. Le 15 juin, une délibération de la MEL pour modification du plan d'urbanisme afin de pouvoir entreprendre les travaux sans que soit pris en considération la contribution des associations du collectif, ni les réserves majeures du commissaire enquêteur. Donc de ce fait, déjà le 1er juin en fait, l'association s'est créée, donc pour pouvoir rester en justice, comme on dit. Et le 3 et 4 septembre, c'est la première action juridique qu'ils ont menée pour l'obtention d'un recours au tribunal administratif de Lille. Un recours suspensif en urgence contre la modification du plan local d'urbanisme. Oui, alors, effectivement, ST en justice, ils ne sont pas allés tout seuls. Ils sont allés avec l'association pour la suppression... L'ASPI, des pollutions industrielles. Et puis, voilà, la nouvelle est tombée le 5 octobre. En jugement des référés, la décision de juge. Le juge relève, je lis, tout d'abord que deux réserves du commissaire enquêteur portant sur des risques de pollution de la nappe du Carbonifère et l'absence d'avis de l'Agence régionale de santé sur le projet de construction d'une piscine ont été levées avant la délibération du Conseil de la métropole européenne de Lille. En revanche, le juge note que la troisième réserve, Donc, l'absence d'avis de l'Agence régionale de santé, réserve du commissaire enquêteur qui avait demandé la réalisation d'une étude complémentaire quant à l'impact du projet sur la qualité de l'air. Elle est restée sans suite. Et donc, est suspendue cette délibération de la MEL du 15 juin 2018 pour une période que nous ne connaissons pas. On ne sait pas combien de temps ça peut durer. Un petit rappel sur le projet donc de la ZAC Saint-Sauveur, c'est quand même 2500 logements de prévus, soit 200 000 m2, 55 000 m2 de bureaux, 30 000 m2 de commerce et d'activité, et 20 000 m2 d'équipements divers. Comme espace vert public, il y avait seulement 1,8 hectare sous le métro qui était prévu. Et bon, il a été un peu revu à la hausse par la suite. Et de plus, en 2016, comme tu l'as dit, les élus décident de construire la nouvelle piscine olympique en prévision des Jeux olympiques de Paris, au lieu dit le Belvédère. Oui, ouais. Donc en remplacement de celle qui est actuellement à Marc-Dormois, au Bois Blanc. Qui n'est pas dans les normes, hein, du reste. Oui, pour quelques centimètres de longueur de bassin. Bien sûr, ouais, ce projet a été présenté de manière séduisante, mixité sociale, immeuble de taille humaine avec espace vert privatif. Donc là, il y avait 8 hectares. Donc ces petits ensembles étaient appelés des îlots nordiques en référence à la Scandinavie, je suppose. Oui, absolument. Et puis, surtout, la ville durable doit être dense. Mais elle risque surtout d'être encore plus congestionnée et polluée, sans parler de l'absence de prise en compte du changement climatique dans ce projet. Je vais rajouter, si vous voulez continuer de discuter à ce sujet, donc il y a une rencontre-échange avec donc l'association Parc Saint-Sauveur qui sera le mercredi 24 octobre à 19h au café coopératif Les Sarrasins, rue des Sarrasins, à Oisem dans l'Isle. Merci de cette précision, Florent. Un petit détail pittoresque de Stanislas Dandievel qui s'en prenait à Parc et à Aspie en disant « Mais regardez, vous dites n'importe quoi, c'est pas 3 hectares d'espace vert qu'on va laisser, mais c'est 8,8. » Ah oui, si on compte les espaces privatifs. Non, pas du tout. Il comptait dedans le parc de Jean-Baptiste Lebas. D'accord. Ah oui. Une escroquerie de basse classe. Alors, rappelle qui est ce personnage. C'est la personne chargée à la mêle de la construction de la SPL, Je sais plus comment il est chargé pour la mêle de la question de la piscine et on avait fait une manif devant la mêle. C'est l'heure de la pause musicale du coup. Travailleurs, aux promeneurs apaisés, du vieil homme rieur au couple nouveau-né, au hasard d'une balade sans destination, je leur offre mon ombre et mes plus beaux bourgeons. J'ai l'honneur d'inspirer quelques artistes errants et de prêter mes branches à l'espièglerie des enfants. De nature en été tout déserté, une femme vint pourtant au hasard des graviers se figer devant moi. Nous voilà trop années. Elle me contemple alors de son regard profond, de ma plus petite foliole jusqu'à la base de mon tronc. Elle me tient compagnie pendant quelques moments, émerveillée par l'œuvre de la nature et du temps. Pour impressionner la belle et la remercier de l'attention délicate qu'elle prit soin de me porter, je voulus me redresser, me faire majestueux, me donner en spectacle en l'honneur de ses grands yeux. En bon compagnon, le vent recoiffa mes ramures, plus touffu que jamais, je me fis beau de démesure. J'offrais à ma jolie mes plus belles odeurs printanières, ainsi que le récital de tous mes oiseaux locataires. Surprise par ce spectacle, quelque peu étonnant, et comme satisfaite de mon humble présent, la douce m'offrit alors, en guise de merci, ma sève en tremble encore, un sourire des plus exquis. Caché ce moment délicieux qui a su irradier mon existence d'arbre uniquement bercé au rythme des saisons ces 100 dernières années. Et dans mes nuits d'automne, dans mes rêves d'hiver, dans chaque jour nouveau, silencieusement j'espère, si j'osais une requête, mon unique désir serait de recroiser la femme au divin sourire. Donc c'était Prière d'un arbre centenaire de Anne-Lise Roche. C'était très joli. Eh bien, nous allons passer aux actualités d'attaque. Et les actualités d'attaque, c'est l'activité de René. René, Apple va payer son amende. Incroyable. Donc, Apple va payer enfin son amende de 13 milliards d'euros. Et si elle payait aussi ses impôts, tiens. Alors, la Commission européenne a annoncé le 18 septembre qu'Apple vient enfin de verser sur un compte bloqué les 13 milliards d'euros qu'elle doit à l'Irlande. Toutefois, ce versement n'annule en rien le recours que la multinationale et l'Irlande ont déposé devant la Cour de justice européenne. Pour Dominique Plion et Raphaël Prado, porte-parole d'attaque, cette annonce est une nouvelle victoire qui montre que l'action citoyenne est indispensable et qu'il est urgent d'obliger les multinationales, comme Apple, à payer leur juste part d'impôts. Oui. Et aussi, en contrepartie, on dit qu'on n'accepte pas qu'on fasse n'importe quoi avec notre argent. Oui. C'est le hashtag, pas avec notre argent. Tu en dis un mot, René. Voilà. Tout d'abord, 10 ans après la crise financière, prenons le contrôle sur la finance et notre avenir. Ça a commencé par le 15 septembre. À cette occasion, plus de 60 actions ont été menées en France et dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis également, donc contre les principaux groupes bancaires. Cette journée d'action, c'était le lancement d'une campagne qui vise à prendre le contrôle de la finance sur notre avenir, bien sûr. Donc des centaines de citoyens ont scandé qu'ils ne voulaient plus que leur argent, leur épargne, serve à financer la spéculation, les dérèglements climatiques et l'évasion fiscale. Une trentaine de vidéos des actions menées peuvent être vues sur le site d'Attaque France. Pour Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque France, avec l'escalade des dérèglements climatiques et l'imminence d'une prochaine crise financière, nous n'avons plus le luxe d'attendre. Il est urgent d'agir individuellement et collectivement pour signifier aux banques que nous n'allons plus les laisser faire n'importe quoi avec notre argent. Nous souhaitons organiser dans les mois à venir un vaste mouvement de désinvestissement des énergies fossiles et de la finance toxique en France, ce qui nous amène à... À le point suivant, je précise que il n'y a pas 25 porte-parole d'attaque, il y en a 3 et on les a cités. Hein, c'est Dominique Plion, Raphaël Prado et Aurélie Trouvé. Alors, sur l'épargne, eh bien justement, on se pose des questions sérieusement sur le livret de développement durable et solidaire. Voilà, c'est le deuxième volet de cette campagne. Le livret de développement durable et solidaire, LDDS, qui fait partie de l'épargne réglementée. Le montant total de l'épargne placée par les Françaises et les Français sur les 23 millions de ces livrets s'est élevé à 106 milliards d'euros en juin 2018. Ce n'est pas rien. Cette épargne est censée être utilisée pour des investissements à long terme en faveur du logement social, des collectivités locales, des PME ou de la transition écologique. Mais est-ce vraiment la réalité ? Les grandes banques et la Caisse des dépôts et consignations qui collectent et gèrent l'argent de ce livret, ils le gèrent de manière opaque. Seule une petite partie de cet argent financerait réellement la transition écologique ou l'économie sociale et solidaire. Et plus grave, il est hautement probable que l'argent du LDDS alimente les 200 multinationales responsables de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on parle de réchauffement climatique, comme le démontre un rapport publié en décembre 2017 par l'organisation 350.org et l'Observatoire des multinationales. Donc le 10 octobre, 2 jours après la publication du rapport du GIEC, Attaque France et 350.org lancent cette seconde phase de la campagne, avec notre argent, avec notamment une pétition et un outil d'interpellation. Son objectif, c'est que l'argent des livrets des LDDS ne serve plus à financer des projets de soutien aux énergies fossiles et aux industries toxiques, mais soit utilisé uniquement à financer des projets réellement durables et solidaires. La campagne ciblera d'abord la Caisse des dépôts et consignations. Ensuite, sont également visés les grandes banques qui commercialisent le LDDS et qui gardent 40% de la collecte du livret. La pétition et l'outil d'interpellation des banques sont disponibles sur le site d'Attaque France. Alors, pour l'outil d'interpellation, c'est Twitter. Alors, je voudrais dire une chose qui me semble importante, c'est que ici, les livrets de développement durable et solidaire, et comme le livret A historiquement, sont l'argent qui est dedans, c'est du détournement, non pas de l'argent public, mais l'argent du public, puisque historiquement, les caisses d'épargne récoltaient le livret A et versaient à la Caisse des dépôts et consignations, qui avait en charge les logements sociaux. Voilà. Et depuis, je ne sais pas quel nombre d'années, le livret A est géré par les banques et ils en font ce qu'elles veulent. Les engagements des banques sur le développement durable, faut pas exagérer, quoi. Excuse-moi, René, cette intervention, mais je pensais que c'était important de le dire. Pourquoi nous soutenons les mobilisations du 8 septembre et du 13 octobre à Attaque ? Eh bien, plus de 130 000 personnes ont marché pour le climat le 8 septembre dernier et plus de 120 000 le 13 octobre. Depuis, les initiatives foisonnent et les mobilisations se préparent partout en France. Ces mobilisations s'inscrivent dans... Fini. Oui, dans une rentrée particulière pour le climat. Qu'elles soient locales ou nationales, petites ou grandes, chaque jour de nouvelles mobilisations, initiatives et actions se dessinent ça et là. Leur succès dépend de leur spontanéité et de leur créativité, mais aussi de leur capacité à rassembler des milliers de personnes, des dizaines d'organisations, mouvements et réseaux pour rappeler l'urgence et dire haut et fort qu'il est encore temps d'agir. D'accord. Eh bien, on va passer aux activités. Non, à l'agenda. À l'agenda. Aux activités de l'agenda, voilà. Voilà. Donc, conférence débat intitulée « Arrêt du nucléaire et destruction du climat ». Donc, ça sera le samedi 10 novembre à 10h. Invité Jean-Luc Pasquinet, qui est co-auteur avec Pierre Lucot du livre Nucléaire, arrêt immédiat, auteur de Relocaliser, donc ça sera au LAG de Liévin. Le mardi 13 novembre à 20h, au cinéma Le Méliès de Villeneuve-d'Ascq, projection de Jour de paye vers un revenu universel, un ciné-débat avec le mouvement français pour un revenu base. Donc toujours sur la thématique, que feriez-vous si vous n'aviez plus à vous préoccuper de gagner votre vie? Il y a encore quelques années, l'idée d'un revenu universel était considérée comme une chimère. Aujourd'hui, cette utopie est devenue plus concevable que jamais. L'opportunité de sa mise en œuvre est l'objet de débats intenses entre économistes et politiques de tous bords. Le même soir, donc le 13 novembre, au Théâtre de la Verrière, hein, 28 rue Alphonse à Lille, à 20h30, conférence débat, transformation de la sexualité, permanence du sexisme. Donc débat... C'est Alphonse Mercier. Ah oui, j'ai oublié, c'est rue Alphonse Mercier, oui. Débat, donc dans le cadre de Cité Philo 2018, avec Michel Boson, sociologue, et Irène Parera, philosophe. Donc le sexisme n'est pas l'apanage de quelques individus, mais il est le résultat d'un système d'inégalité dont la force est de se construire à partir de multiples champs de la vie sociale qui se renforcent mutuellement. Ce sexisme sert de stratégie au pouvoir pour remettre les femmes à leur place, entre guillemets. Les injures, harcèlements et violences sexuelles révèlent une prolifération des comportements sexistes dont les différents hashtags comme MeToo ou Balance ton porc sont une caisse de résonance. Ces mouvements représentent-ils un retournement historique de la tendance à blâmer les victimes, entre guillemets, point d'interrogation. Apéro associatif à Equitas. Comment faire progresser la justice sociale en France ? Donc, ça sera le jeudi 15 novembre à 18h30 au Café Citoyen de Lille. L'association Equitas expérimente des actions politiques et poétiques qui développent le pouvoir d'agir de personnes qui vivent dans des situations d'inégalité. Rendez-vous pour l'apéro associatif afin de découvrir les initiatives de l'association et pour échanger sur comment faire progresser la justice sociale en France. Merci Florent. Voilà, on a terminé l'émission. Je vous rappelle que vous nous retrouvez pendant deux mois sur le site de Radio Campus, mais aussi et surtout à Angle d'Attacothèque, donc sur le blog d'Attaque, où toutes les émissions depuis les six premières saisons sont consignées et archivées. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Prochain. Les vieux